Hey mec, t'as déjà rencontré un ange? C'est le style de meuf là, dès qu'elle rentre dans une pièce, elle illumine la pièce quoi. C'est le style de meuf qui te rend fou, tu vois. Qui te rend tellement fou que t'arrives plus à l'oublier. Et ouais, le style de meuf, ouais, le style de meuf choc à pic, mec. Ouais, t'as vu? Wonder. Girl, quand je te vois, tu es si brand new. Ta silhouette angel, elle me rend fou. My angel, life for you, die for you, and I love you. Girl, quand je te vois, tu es si brand new. Ta silhouette angel, elle me rend fou. My angel, life for you, die for you, and I love you. 7h du mat, je me lève, je me lève, je la regarde, je vois qu'elle rêve, qu'elle rêve. Elle est si belle, même au naturel. J'hésite à la réveiller, hey, hey. J'ai peur que je reste là, ah, ah. Hey, à la sublimer, hey, hey. Pendant des heures que je m'en lasse jamais, hey, hey. Et que je suis là, ah, ah. Mille, mille, mille, mille, mille, mille, mille, douceur. Mille, mille, mille, mille, mille, mille, fleur. Où est le mama angel? J'aurai tout. Mille, mille, mille, mille, mille, mille, mille, douceur. Mille, mille, mille, mille, mille, mille, fleur. Mais pour elle, girl, quand je te vois, tu es si brand new. Ta silhouette angel, elle me rend fou. My angel, life for you, die for you, and I love you. Girl, quand je te vois, tu es si brand new. Ta silhouette angel, elle me rend fou. My angel, life for you, die for you, and I love you. Les formes les plus subliminales, créées à l'image de mon idéal. Elle me rend vulnérable, c'est inimaginable. Je me vois mal lui faire du mal. Même quand elle me fait la gueule, elle paraît toujours si belle. Elle sait faire la part des choses comme on te les décibels. Elle sait me prendre dans ses bras. Chuchote, bébé, calme-toi. Elle fait des crises de jalousie parce qu'elle m'aime à la folie. Et je l'adore, c'est ma angel. Elle a le don d'éclairer mes journées les plus sombres. La vie de couple avec elle n'est jamais monotone. N'est jamais monotone. Elle est simple, la classe à l'état brut. Qu'elle paraît si adorable. Elle est si vraiment agréable. C'est ma angel. C'est ma angel. Girl, quand je te vois, tu es si brand new. Ta silhouette angel, elle me rend fou. My angel, life for you, die for you, and I love you. Girl, quand je te vois, tu es si brand new. Ta silhouette angel, elle me rend fou. My angel, life for you, die for you, and I love you. Girl, quand je te vois, tu es si brand new. Ta silhouette angel, elle me rend fou. My angel, life for you, die for you, and I love you. Girl, quand je te vois, tu es si brand new. Ta silhouette angel, elle me rend fou. My angel, life for you, die for you, and I love you. Elle mérite mille, mille, mille, mille, mille douceurs. Mille, mille, mille, mille, mille fleurs. Die for you. My angel, elle mérite mille, mille, mille, mille, mille douceurs. Mille, mille, mille, mille, mille, mille fleurs. Belle for you, die for you, belle, die for you. Elle est si belle, belle. Girl, quand je te vois, tu es si brand new. Silhouette angel, elle me rend fou. My angel, life for you, die for you, and I love you. Girl, quand je te vois, tu es si brand new. Ta silhouette angel, elle me rend fou. My angel, life for you, die for you, and I love you. Girl, quand je te vois, tu es si brand new. Ta silhouette angel, elle me rend fou. My angel, life for you, die for you, and I love you. Girl, quand je te vois, tu es si brand new. Ta silhouette angel, elle me rend fou. My angel, life for you, die for you, and I love you.